veillons à genoux en bas, d'où l'est l'amour. L'amour qui déconvienne, fini en mer, confiel. Et si l'orgueil mêlait tout sentiment creusé, et l'enveloppe qu'à s'enfuir en bas, ton est la vie. Oh, oh, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas nous river là. Aimez-moi sans rêver.